Kernok le pirate, Eugène Sue, pour Audiocité, chapitre 10. Away, away, en avant, Byron. Chasse. Tout dormait à bord de l'épervier. Mélie seule était montée sur le pont, agitée par une vague inquiétude. Quoique la nuit fût encore sombre, une lueur blafarde, qu'on apercevait à l'horizon, annonçait l'approche du crépuscule. Bientôt de larges bandes d'un rouge vif et doré sillonnèrent le ciel. Les étoiles pâlirent, disparurent, le soleil commença de poindre, puis s'éleva lentement sur les eaux bleues et immobiles de l'océan, qu'il sembla couvrir d'un voile de pourpre. Le calme étant toujours aussi plat, le brick restait en panne sous ses armures de la veille. Mélie rêvait assise sur le banc de quart, sa tête cachée entre ses deux mains, mais lorsqu'elle la releva, le jour déjà assez élevé lui permettait de distinguer les objets qui l'entouraient. Elle frémit d'horreur et de dégoût. C'étaient des matelots couchés au milieu des peaux et des débris du repas de la veille. C'était le désordre le plus complet. Les boussoles renversées, les manœuvres et les cordages confusément mêlés, des armes et des verres en éclats, des tonneaux défoncés laissant couler sur le pont des flots de vin et d'eau-de-vie. Ici, de braves compagnons endormis, les bras jetés deçà et delà, étreignaient encore une bouteille dont il ne restait plus que le goulot, semblable à ces fiers cordovans, qui, morts, gardaient pourtant au poing le tronçon d'une dague. Là, un pirate dormait le cou passé sous la roue du gouvernail, de sorte qu'au moindre mouvement de rotation, il devait avoir la tête écrasée. Un vrai lendemain d'orgie, et d'orgie de pirate encore. Mélie commença par bénir la Providence de ce qu'elle avait protégé avec tant de sollicitude, toute cette honnête société que le brick berçait sur les eaux. Car grâce à l'incurie qui régnait à bord pour le moment, si une tempête se fût élevée pendant la nuit, c'était fait de l'épervier et de Kernok et de l'équipage et des 10 millions. Quel dommage! Aussi voulut-elle prier. La pauvre fille trouvait à bord si peu d'occasion d'élever son âme vers le Créateur. Pour prier, elle s'agenouilla et tourna involontairement les yeux vers cette ligne vaporeuse et bleuâtre qui ceint l'horizon. Mais elle ne pria pas. Son regard devint fixe et s'attacha sur un point d'abord incertain, et que bientôt elle parut mieux distinguer. Enfin, portant la main au-dessus de ses sourcils pour isoler davantage les rayons visuels, elle resta un instant contemplative, puis ses traits prirent une vive expression de crainte, et en deux bonds, elle fut dans la chambre de Kernok. « Tu es folle !» disait le pirate en montant sur le pont d'un pas lourd et encore aviné. « Mais si tu m'as éveillé pour rien ?»« Tenez !» répond Mélie en lui présentant une longue vue d'une main, tandis que de l'autre, elle désignait un point blanc qui se voyait à l'horizon. « Sacrebleu !» dit Kernok, après avoir regardé attentivement, et il porta vivement la lunette à son œil gauche. « Mille tonnerres !» Et il frotta le verre de l'instrument comme pour s'assurer qu'il voyait bien et clairement, et que nulle illusion d'optique ne le trompait. Et il ne se trompait pas. Ici, un crescendo de tout ce que vous pourrez choisir de plus vigoureusement imprécatif dans le glossaire d'un pirate. À peine ce torrent de malédictions et de jurements était-il débordé, que Kernok s'arma d'un anspect. Un anspect est un morceau de bois long de 5 à 6 pieds et de 4 pouces carrés. Ce jouet de chêne sert à manœuvrer l'artillerie du bord. Kernok changea provisoirement cette destination, car il employa le sien à réveiller son équipage. Or, les coups d'anspect, glorieusement accompagné de jurons à faire foudroyer le brick, plurent dru comme grêle, tantôt sur le pont, tantôt sur les matelots endormis. Aussi, quand la ronde du capitaine fut terminée, tous ces hommes étaient à peu près debout, se frottant les yeux, la tête ou le dos, et demandaient, en faisant d'effroyables bâillements, « Qu'est-ce qu'il y a donc ?»« Ce qu'il y a !» cria Kernock d'une voix de tonnerre. « Ce qu'il y a, chien, que vous êtes ! Un navire de guerre, une corvette anglaise, faisant force de voile pour nous atteindre. Une corvette qui a sur l'épervier l'avantage de la brise, car le vent fraîchit là-bas, et il ne nous arrivera qu'avec cet anglais que la foudre écrase. » Et tous les yeux se tournaient vers le point que Kernock désignait du bout de sa longue vue. « 8, 10, 15 sabords !» s'écria-t-il. « Une corvette de 30 canons ! C'est gentil ! Et de l'escadre bleue encore !» Il appela Zélie. « Écoute, Zélie, il ne s'agit pas ici de lanterner. Fais border les avirons, mettre tout en ordre le plus vite possible. Virons de bord et gagnons le large. L'épervier n'a pas le bec et les ongles assez durs pour s'amuser à une telle proie. » Puis il emboucha son porte-voix. « Chacun a son poste pour larguer les huniers et les perroquets. Range à larguer les cacatois et les contre-cacatois, agréez les bonnettes hautes et basses. Et vous, mes garçons, courbez-vous sur vos avirons. Si nous pouvons prendre de l'air, l'épervier n'aura rien à craindre. Vous savez, mordieu, que nous avons 10 millions à bord. Ainsi, choisissez, ou d'être pendu aux vergues de l'anglais, ou de retourner à Saint-Paul. Vos ceintures pleines, boire le grog et faire danser les filles. » L'équipage de Kernock le comprit parfaitement. L'alternative était inévitable. Aussi, grâce aux voiles dont il était chargé et à ses vigoureux rameurs, l'épervier commença à filer 3-2. Mais Kernock ne s'abusait pas sur la marche de son brick. Il voyait bien que la corvette anglaise avait sur lui un avantage réel, puisqu'elle venait avec le vent. Aussi, en prudent capitaine, le pirate fit faire branle-bas de combat, ouvrir la soute aux poudres, garnir les parcs à boulets, apporter sur le pont les pics, les haches d'abordage, veillant à tout avec une activité incroyable et semblant se multiplier. La corvette anglaise avançait toujours. Kernock fit appeler Mélie et lui dit « Cher ami, le four chauffera probablement. Tout à l'heure, tu vas descendre dans la cale, t'y blottir, et ne pas plus bouger qu'un canon sur son affût. Ah, à propos, si tu sens le brick tourbillonner et descendre, c'est que nous coulerons à fond. Tu comprends bien, nous coulerons. Et attends-toi à voir plutôt cela qu'un marsouin fumer une pipe. Allons, pas de larmes, embrasse-moi vite, et que je ne te revoie plus qu'après la danse, si je n'y laisse pas ma peau. » Mélie devint tellement pâle que vous l'eussiez prise pour une statue d'albâtre. « Kernock, laissez-moi près de vous, » murmura-t-elle, et elle jeta ses deux bras autour du cou du pirate, qui tressaillit un instant, et puis la repoussa. « Va-t'en, » lui cria-t-il, « va-t'en. Kernock, que je veille sur tes jours, » dit-elle en s'attachant à ses pieds. « Zélie, délivre-moi de cette folle et descends là à fond de cale, » reprit le pirate. Et comme on allait se saisir de Mélie, elle se dégagea violemment et s'approcha de Kernock, le teint animé, l'œil étincelant. « Au moins, lui dit-elle, prends ce talisman, porte-le. Il protégera tes jours pendant le combat. Son effet est certain. C'est ma vieille grand-mère qui me l'a donné. Ce charme magique est plus fort que la destinée. Crois-moi, porte-le. » Et elle tendait à Kernock un petit sachet rouge suspendu à un cordon noir. « Amère, cette folle !» dit Kernock en haussant les épaules. « Ne m'as-tu pas entendu, Zélie, à la cale ? Si tu meurs, que ce soit donc par ta volonté, mais au moins je partagerai ton sort. Rien, plus rien, maintenant, ne protège mes jours. Je redeviens femme comme tu es homme, » s'écria Mélie, et jeta le sachet dans les flots. « Bonne fille, » dit Kernock en la suivant des yeux pendant que deux matelots la descendaient dans le faux pont, au moyen d'une chaise fixée à une corde longue. et la corvette anglaise approchait, approchait toujours. Zélie s'avança près de Kernock. « Capitaine, l'Anglais nous gagne. »« Je le vois, sacrebleu. Bien, vieux sot. Nos avirons ne font rien. Ils fatiguent inutilement nos hommes. Fais-les déborder. Chargez les caronades à deux boulets. Placez les grappins d'abordage. Mettre les pieds rayés dans les hunes, car nous allons en découdre. Et il n'y a pas à tergiverser. Faut aussi amener les perroquets et aller bas les bonnettes. Si la brise fraîchit, nous nous battrons sous nos huniers. C'est la meilleure allure de l'épervier. » Quand la manœuvre fut exécutée, Kernock harangua son équipage ainsi qu'il suit. « Enfant, voici une corvette qui a les reins solides. Elle sert de si près l'épervier que nous ne pouvons espérer de gagner au vent. D'ailleurs, il n'en fait pas. Si nous sommes pris, nous serons pendus. Si nous nous rendons, ce sera tout de même. Combattons donc en braves matelots, et peut-être qu'en faisant feu, comme dit le proverbe, des quatre pattes et de la queue, nous nous en retirerons avec nos culottes. Mordieu, mes garçons, l'épervier a bien coulé un grand trois-mâts sarde sur les côtes de Sicile après 2 heures de combat. Pourquoi craindrait-il cette corvette à pavillon bleu? Songez aussi que nous avons 10 millions à conserver. Cordieu, enfant, 10 millions ou la corde. L'effet de cette péroraison fut péremptoire, et tout d'une voix l'équipage cria « Hurrah, mort aux Anglais !» La corvette se trouvait alors si proche que l'on distinguait parfaitement ses armures et son gréement. Tout à coup une légère fumée s'éleva à son bord. Un éclair brilla. Un bruit sourd retentit, et un boulet siffla en passant près du beaupré de l'épervier. « La corvette commence à parler, » dit Kernock. « C'est notre pavillon qu'elle veut voir, la curieuse. »« Que faut-il hisser ?» demanda maître Zélie. « Ceci, » dit Kernock, « car il faut être galant. » Et il poussa du pied une vieille souquenille de matelot, toute tachée de goudron et de vin. « C'est drôle, » dit le maître, et le haillon se guinda majestueusement en haut de la drisse. On croit que la plaisanterie parut faible à bord de la corvette, car 2 coups de canon en partirent presque au même instant, et les boulets hachèrent en quelques endroits le gréement de l'épervier. « Oh, nous nous fâchons, la belle. Tu fais la bégueule, » dit Kernock. « À moi, Amélie. » Et il s'allongea sur la couleuvrine, qu'il avait baptisée de ce nom. Visa, pointa, à toi, l'Anglaise. Et il fait jouer la batterie. « Bravo !» s'écria-t-il, quand la fumée de la mort se fut dissipée et qu'il put voir l'effet de son coup. « Bravo !»« Vois donc, Zélie, déjà son perroquet de fouque en pantaine. »« ça promet, garçon. Mais c'est quand l'épervier va lui chatouiller les flancs avec ses griffes d'abordage que l'Anglaise va rire. « Hurrah ! Hurrah ! » cria l'équipage. La corvette ne riposta pas au boulet de Kernock, répara son avarie au plus vite, et laissa porter en plein sur le corsaire. Alors, elle en était tellement près qu'on entendait la voix et le commandement des officiers anglais. « Enfants, à vos pièces !» dit Kernock en se précipitant sur son banc de quart, le porte-voix à la main. « À vos pièces et sacre Dieu, ne faites pas feu avant le commandement. »